Obtenez un macaron aux couleurs de l'organisme. Pour 40$, devenez propriétaire d'une compilation de courts-métrages et plus encore. Pour 125$, courez la chance de gagner l'un des 15 iPod Touch. Tous les détails au videofam.org ou téléphonez au 418-929-9188. Bienvenue à Webmusic, vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Donc, comme à l'habitude, ben, plein de bonne musique en téléchargement gratuit. C'est assez simple, vous écoutez l'émission, puis si vous trouvez des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à vous rendre donc au www.webmusic.ca. Vous allez avoir la playlist de l'émission, vous allez pouvoir avoir les liens pour télécharger les pièces donc entendues pendant l'émission. On va débuter avec un artiste du nom de Audioka. Ça a été une découverte que j'ai faite. Je fais également la sélection musicale donc de l'émission L'Aérospatiale à toutes les tous les mardis à 17h30. Donc j'avais découvert Audioka pour l'émission. J'ai décidé de refaire jouer une pièce. J'ai tellement aimé l'album. Donc, je vous fais entendre la 7e pièce de son album, Les Digitales. Ensuite de ça, sur l'étiquette Insectorama, c'est Atabé avec la pièce Deep Phase. C'est un remix par Daykin et Solberg. Donc, vraiment excellent comme pièce. Donc, ben, c'est ça. On débute Web Music avec Audioka et sa pièce 7. Yeah. This one has a very fine sense of community. Living side by side, we all know one another. I'm a pretty fair judge of character myself. Honestly, Tom, you've done it again. Made us come here to listen to a lot of nonsense. What do you think you are, some kind of philosopher? Observant, that's what I am. Lazy, I would say. Destiny. de l'Espagne, donc c'était Atabé avec sa pièce Deep Phase. C'était un remix par Daykin et Solberg. C'était publié sur l'étiquette Insectorama. Avant ça, ben, on avait débuté Web Music avec un artiste de la Suisse, c'est Audioka, avec donc la 7e pièce sur son album Les Digitales. Donc, vraiment excellent comme album. Je vous invite à télécharger Les Digitales. C'est disponible gratuitement. On va poursuivre notre tournée des internets avec un artiste de l'Allemagne. Cette fois-ci, c'est 116 Inactive. Je vous fais entendre la pièce Plastic Killer. C'est donc sur l'étiquette allemande Latenz. Ensuite de ça, sur Akashic Records, c'est Irish H avec la pièce Burning Leather. C'est un artiste qui nous vient de la ville de Sydney en Australie. Donc, on écoute tout de suite 116 Inactive à Web Music. De la ville de Sydney, en Australie, c'était Eris H. avec sa pièce Iron Spiral. C'était publié sur l'étiquette Akashic Records. Avant ça, de l'Allemagne, c'était 116 Inactive avec la pièce Plastic Keller. C'était sur l'excellente étiquette Latens, une étiquette qui nous vient de l'Allemagne. Pour poursuivre Web Music, on va entendre cette fois-ci AXBX. Je vous fais entendre la pièce Predator. C'est featuring Arturo Barrientos. Donc, vraiment intéressant comme pièce. On écoute ça tout de suite.

de la Croatie. Donc, c'était Dynasty avec sa pièce Mr. Dub Wobblina. C'était sur l'étiquette Fresh Pope Records. C'était tiré de son album The Watchers. Vraiment excellent. Donc, je vous invite à le télécharger. Avant ça, ben, on avait écouté donc Balloon Fight avec la pièce Floor Flexion. C'était ça sur l'étiquette Yarn Audio. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Londres qui est publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. C'est Inkling avec sa pièce Confused. Ensuite de ça, tout de suite après, c'est de la Slovaquie, c'est Harris Pilton avec la pièce Shaman Dub. Donc on écoute tout de suite Inkling à Web Music. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89,1. Vous écoutez l'émission Web Musique. C'était de la Slovaquie. C'était Harris Pilton avec sa pièce Shaman Dub. Avant ça, de la ville de Londres en Angleterre, c'était Inkling avec la pièce Confused. C'était tiré donc de son album Generals, un album vraiment excellent publié sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom. On va poursuivre cette fois-ci avec un artiste de la France, c'est Redrum. Je vous fais entendre sa pièce Soul Sacrifice. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. What it means is that the people who are backing this thing, who put up the money for it, are going to take a bit of a bath. A big bath. That's no height, that's true. They're going to get hurt. But what it means is that these people have it in their heads that your welfare is a hell of a lot more important than the music is than a dollar. Thank you.